voici. Cette fois-ci, je suis pas venu tout seul. On va big up. Oscar, Nokio, Fuzio, c'est parti. Un peu pour la bouillée. Étape 3, bouge les hanches et appelle les pompiers.